Notre Père céleste. Baba yetu wa kumbingu. L'éternité en éternité, tu es Dieu. Milele na milele wewe uko Mungu. Il n'y a jamais eu de Dieu semblable à toi. Hakuya kuyaka Mungu mwenye kufanana na wewe. Et jusqu'à la fin de la consommation de temps, il n'y en aura pas. Na kufika na kumuisho ya nyakati akutakuya Mungu sawa wewe. Il n'y a jamais eu un Dieu qui est parlé dans un pays. Hakuya kuyaka Mungu mwenye kusema qui est allé dans un pays. Ula renda muinchi pour aller délivrer un peuple afin de le rendre libre. Jua ukomboa taifa pour délivrer un peuple. Jua ukomboa taifa afin de le rendre libre. Ili apate kuifanya kwa uhuru par des signes et des miracles. Kupitia maishara na miujiza na maalama. Par des plaies. Kupitia mapiko. Mais toi seul tu l'as accompli, nous l'avons vu en Égypte. Sawa ile tuliona kutimilika Misri. Toi tu l'as accompli. Wewe ulitimiza. Parce que nous l'avons vu en Égypte. Hapana tu mu Misri tu. Parce que nous l'avons vu en Égypte. Kwani tuliona. Sawa ile tuliona au Misri. Lorsque tu es allé délivrer les enfants d'Abraham. Wakati ule ulikomboa taifa yako. Tu n'as pas changé, tu es le même. Hauya badilike huku sawa sawa. Lorsque nous étions dans les griffes de l'ennemi. Wakati tunapatikana makucha ya adui. Tu es allé jusque dans la tombe. Et tu as décidé de nous libérer. Ulienda paka mkaburi na kuchukua mipango ya kumkomboa. Et ce soir nous sommes libres à travers l'œuvre de Dieu. Ngasubuya leo tukuru. Merci pour tes 100 versets. Asanti jua ile damuri mwanga. Nous venons à toi ce soir. Tunakuja kwako mangaribi ya leo. Pour recevoir une portion de ta parole. Jua kupokea sehemu ya neno lako. Béni chaque frère, chaque sœur. Ubariki kila ndugu na kila dada. Bénis ce culte. Ubariki ibada. Début à la fin. Mwanzo na mwisho. Sois avec nous. Pamoja nasi. Béni la parole qui sera lue. Ubariki neno utasomewa. Au nom de Jésus Christ. Nous te prions ainsi. Tunakuomba hivi. Amen. Amina. C'est difficile avec une telle. Vous allez m'embrouiller et vous allez embrouiller l'église. Arrête l'histoire, mon frère. À la sortie dimanche, il y a des frères qui m'ont vu au bureau qui n'ont pas bien suivi la prédication dimanche. Est-ce que les gens n'entendent pas ce que nous prêchons? Ça va, maintenant. Ça va. Maintenant, ça va. Ça va. Pourquoi avant le culte, il faut arranger les choses. Je crois que je suis en train de faire des choses. Nous lisons dans 1er roi au chapitre 12. Tu connais soma mwafalme wa kwanza sura 12. Dans son verset 16, mstari ya 16. Jusqu'au verset 20. Kufika na mstari ya 12. Si vous ne suivez pas ce que nous disons, kama mfuate ile tu kunasema, vous avez le droit de nous le signaler. Muku na ruhusa kutujulisha pour qu'on règle le micro. Juu wapate kutengeneza vyombo mupate kusikia mzuri. Parce que c'est pour vous que nous parlons. Ni juu tu kunasema juu yenu. Lorsque tout Israël dit que le roi ne l'écoutait pas, wakati Israël mzima iliona ya kwamba mfalme asikuwasikie, le peuple répondit au roi. Na taifa ikamjibu mfalme, Quelle part avons-nous avec David? Nous n'avons point d'héritage avec les fils d'Isaïe. Atuna na uriti pamoja na mwana wa Isaï. À tes tentes, Israël. Kwa mahema yako, Israeli. C'est-à-dire, rentrez dans vos tentes. Murudie muhema yenu, Israeli. Maintenant, pourvois à ta maison, David. Sasa, utaharishe juu ya nyumba yako, Daudi. Et Israël s'en alla dans ses tentes. Na Israeli akaenda muhema yake. Les enfants d'Israël habitaient les villes de Juda, furent les seuls sur qui régna Roboam. Watoto wa Israël wale wakuwa na keti mumuji ya Yuda barukwa peke yabo yulu yayo Roboam alitawala. Alors le roi Roboam envoya Adoram. Kisha mfalme Roboam akatuma Adora qui était préposé aux impôts. Ule alitayarisha jua kulipisha kodi. Mais Adoram fut lapidé par tout Israël et il mourut. Alakini Adoram wakampika maibwe kwa Israël mzima na akakufa. Et le roi Roboam se hâta de monter sur un char pour s'enfuir à Jérusalem. Na Roboam akakimbilia kupanda farasi na kukimbia kwenda ku Yerusalemu. C'est ainsi qu'Israël se détacha de la maison de David jusqu'à ce jour. Ni muina muna Israël ilijitukunya kunyumba ya Daudi kufika na kwa leo. Tout Israël ayant appris que Jéroboam était de retour, Israël mzima kisha kujulishwa kwamba Jéroboam anarudia, il envoyait appeler dans l'assemblée et il le fit roi sur tout Israël. Akatuma watu wakamuita mkusaniko na wakamweka kuwa mfalme wa Israeli. La tribu de Juda, kabila ya Yuda, fut la seule qui suivit la maison de David. Ilikuwa peke yayo ndio ilifuata nyumba ya Daudi. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Mungu aongeze baraka kumsomi wa neno lake. Nous avions montré autrefois ce qui est arrivé à Roboam. Masiku ilipita tulionesha ile ilimfikia Roboam. Comment ce jeune homme avait abandonné les conseils de vieillards. Namna kanu kiana alikatala mashauri ya wazee. Et il suivit les conseils de ses amis avec qui ils avaient grandi. Narifuata mashauri ya warafiki yake bali alikomala nao pamoja. Tout en répondant avec dureté à tout Israël. Namukujibu na ukali yote kwa Israël mzima. Et cela fut à la base de la division du royaume d'Israël. Na ile ndio ilikuwa msingi ya kukabula kwa ufalme wa Israeli. Après que Jéroboam soit établi comme roi sur Israël, sur le royaume d'Israël, kisha Roboam kuwekwa sawa mfalme yule ya ufalme wa Israeli, nous avons montré comment ce dernier aussi a commencé par des erreurs. Tuonesha namna kani huyu mtu naye alianza na makosa. C'est tout ce que nous avons parlé pendant ces jours. Ils sont derrière nous. Jo yote ile tulisema mumasiku ilipita. Et nous vous avons montré. Na, tulimionesha tena. Que cet homme par la peur avait très mal agi. Ya kwamba huyu mtu kwa boka alitenda mbaya. Bien que Dieu lui avait donné la royauté. Atavile Mungu alimpatia ufalme. Regardez le tableau ici que nous avons présenté ici. Mwangalie ubao wenye tulimiandikia hapa. Je n'aurai pas le temps de parler de tous ces rois. Sitakuwa na wakati wa kusemea yule ya bafalme bote hapa. Nous allons y prendre quelques échantillons. Tutachugua tu bafalme kidogo pour que vous puissiez avoir une vision générale de tout ce qui s'est passé en Israël jusqu'à ce que les 70 semaines pu profetize sur eux. Ni juu mupate kwa tu naono ya mzuri kuona namna kani ilifanika na kufika wakati makumi saba ilitimilika. Regardez, quand Israël est sorti de l'Égypte, tazameni wakati Israël alitoka Misri, le royaume était uni. Ufalme ulikuwa tu katika umoja. Le premier roi fut Saul ou Saul. Mufalme wa kwanza alikuwa ni Saulo. Le deuxième roi c'était David. Mufalme wa pili alikuwa ni Daudi. Et le troisième roi c'est Salomon fils de David. Mufalme wa tatu alikuwa Solomon mtoto wa Daudi. Salomon est venu sur la demande du peuple d'Israël. Salomon alikuja kuombwa na kwa taifa Israeli. Lorsque Israël rejeta l'Éternel comme roi qui régnait sur eux. Wakati Israeli arumkatala wa milele sawa mfalme mwenye kubatawala. Après que Salomon ait désobéi au Seigneur et que Dieu l'ait rejeté, kisha Solomon kukata kumtii Mungu na Saulo kukatala kumtii Mungu na kisha Mungu kumkatala. Dieu s'est choisi David. Mungu alichagulia Daudi. Un homme selon son cœur. Mutu kufuatana na roho yake Mungu. Et après David, kisha Daudi, il y a eu Salomon son fils. Kulikuwa sasa Solomon mwana wake. Mais maintenant, quand Salomon est tombé dans l'idolâtrie, wakati Solomon aranguka katika kuabudu kwa sanamu, Dieu promis qu'après son départ, Mungu alilaka kisha kwenda kwake, son royaume serait divisé ufalme yake en deux. Batai kabula mbipande mbili. Et que la maison de David resterait avec deux tribus. Na nyumba ya Daudi tabakia na makabila mbili. Et la maison de celui qui occuperait le royaume d'Israël occuperait et régnerait sur 10 tribus. Na nyumba ya ula itatawala yulu ya Israeli itatawala yulu ya makabila mbili. Et quand Roboam est venu, wakati Roboam alikuja, en remplaçant son père Salomon, mukombola babake Solomon, comme il n'avait pas suivi les conseils des anciens, bila shufati shauri ya wazee, son royaume fut divisé en deux. Ufalme wake ulikabula vipande mbili. Et il y a eu Jéroboam. Na kukakuja sasa Jéroboam. Comme nous l'avons déjà signalé dans les jours passés. Vile tulionyesha masiku ilipita. Qui prit le royaume d'Israël. Na yule alichukua ufalme wa Israeli. Et qui régna sur 10 tribus. Na yule alitawala yule makabila 10. Et fit comme capitale la Samarie. Na alikuwa na mji mkubwa sawa Samaria. Et Roboam resta avec Juda et la tribu de Benjamin. Roboam alibakia na Yuda na kabila ya Benjamina. Et sa capitale, c'était Jérusalem. Mais maintenant, après qu'il y ait division de ces deux royaumes, il y a eu ces rois qui se sont succédés. Vous voyez, jusqu'à ce que le royaume d'Israël s'est écoulé. Et il y a eu aussi et ces royaumes, donc ces rois, qui se sont succédés du côté de Juda, jusqu'à ce que le royaume de Juda s'est écroulé. Nous parlerons de d'autres choses lorsque nous serons, lorsque le temps sera venu. Mais maintenant, observez une chose et suivez-moi bien. Tazameni kitu kimoja na mfuate mzuri. Après que le royaume soit divisé en deux, kisha ufalme ukabulana mipande mbili, et après que les préposés d'impôts soient lapidés par tout Israël, na kisha huyu mtu wa kulipisha kodi akamua kwa Israeli mzima, Roboam s'était enfui pour aller se réfugier à Jérusalem. Roboam alikimbia na kwenda kufuchama ku Yerusalem. Arrivé à Jérusalem, kufika ku Yerusalem, il réunit la maison de Benjamin, la tribu de Benjamin. Akakusanyisha nyumba ya kabila ya Benjamina. Et il assembla à peu près 120 000 hommes. Akakusanyisha batu 120,000 pour aller attaquer Jéroboam. Ya kwenda kumkombanisha Jéroboam. Pour attaquer les 10 tribus, ja kukombanisha makabila 10, avec l'intention de les ramener vers Roboam. Na nia ya kuirudisha kwa Roboam. Pendant qu'il se préparait à attaquer le royaume d'Israël, wakati alikuwa anajitayarisha juu ya kukombanisha ufalme wa Israeli, Dieu envoya son prophète, Mungu akatuma nabii wake, Shemaeja, pour aller dire au roi Roboam, juu ya kumwambia mfalme Roboam, ne monte pas pour attaquer tes frères, ya kwamba ushipande juu ya kwenda kukombanisha banduku zako. N'allez pas faire la guerre à tes frères, parce que cette division qui est arrivée dans ton royaume est l'œuvre de mes mains. Lorsque maintenant tout Juda entendit ce que Dieu avait dit par son prophète Shemaeja, chacun retourna dans sa maison, kila mtu akarudia munyumba zake, et tout le peuple obéit aux paroles de l'Éternel, batu bote bakati kumisemo ya wa milele, et tout Juda renonça d'attaquer et Israël et ses frères. Na Yuda mzima ikakatala kukombanisha banduku yake. C'est une très bonne chose que jusque là Roboam avait fait. Ni kitu kizuri kufika na pale Jeroboam alifanya. Parce que en réalité, katika ukweli, quand quelqu'un est encore pur de cœur, wakati mtu angaliki safi moyo, il ne tremblera qu'à la parole de l'Éternel. Quand Dieu dit quelque chose, peu importe la décision que cet homme a déjà pris, il est obligé d'obéir à la parole de l'Éternel. Tout véritable chrétien, tout véritable enfant de Dieu écoutera et obéira toujours à ce que Dieu dit. Et lorsque Roboam renonça d'attaquer Jéroboam et le royaume d'Israël, wakati Roboam alikatala kukombanisha Jéroboam na ufalme wa Israeli, après son retour à Jérusalem, Roboam il a pensé de fortifier son royaume. Roboam akakuwa na wazo ya kutia nguvu ufalme yake. Et pour fortifier son royaume et fortifier son règne, ya kutia nguvu ufalme wake na utawala wake, Roboam commença d'abord par bâtir des villes fortes. Roboam akaanza kuanza kujenga mji ya nguvu dans tout Juda, mu Yuda mzima, et il les fortifia, na akaitia nguvu. C'était la première des choses, ilikuwa ni kitu ya kwanza, que Roboam fit, kile Roboam alifanya, lorsqu'il retourna à Jérusalem, wakati alirudia mu Yerusalemu, après que Dieu l'ait interdit, kisha yeye Mungu kumkataza, de monter combattre ses frères, ya yeye kwenda kumbanisha banduku zake. Après qu'il ait bâti, qu'il ait construit des villes fortes, kisha kujenga ma ukuta ma mji yake mnene, et après qu'il les ait fortifiés, kisha kuitia nguvu na maukuta, il prit des commandants, alichukua majemadari, qu'il plaça dans ces villes, bali aliweka mwile mji, et dans chaque ville, na mkila mji, il bâtit des grands magasins, alijenga mo maduka mnene, dans lesquels il mit beaucoup de vivres, bali aliweka chakula mingi, il mit beaucoup de vin, akaweka mo vinyo mingi, il mit beaucoup d'huile, akaweka. Il voulait que son peuple soit heureux. Et c'était une très bonne chose. Et effectivement, ces villes étaient prospères. Et jusque-là, il n'y avait pas de problème. Tout allait bien avec le roi Roboam. Et pour encore fortifier davantage son royaume, il mit beaucoup de boucliers et de lances dans chaque ville. Akaweka mangabo mingi na ma mshale mkila mji. Sa protection personnelle. Je a ulinzi ukingo wake mwenyewe. Et pour la protection de tout Juda contre les ennemis. Je a ukingo ya Yuda mzima kwa waadui. Ah, jusque là c'était bien. Fika na pale bila kwani vizuri. Et Dieu l'observait. Mungu alikuwa tu namwangalia. Et Dieu était d'accord avec lui, il n'y avait pas de problème. Na Mungu alimkubali ile yote akukae kibaya. Mais regardez. Sasa tazameni. De l'autre côté chez Jéroboam. Ngambo ingine kule kwa Jéroboam. Comme nous l'avons montré. Ile tulionesha. Sa peur qu'il avait entraîné dans des fausses choses et dans des erreurs. Bule boka buli musukumo bitu bya bongo na bya kosa. Il comme après avoir créé sa propre sacrificature. Après avoir créé ses propres lévites et ses propres sacrificateurs. Après avoir créé ses hauts lieux. Il empêchait maintenant aux véritables sacrificateurs et lévites de servir Dieu dans tout son royaume. C'est l'une des grandes erreurs que Jéroboam avait fait. Maintenant, ses serviteurs, les sacrificateurs et les lévites, après qu'ils soient rejetés par Jéroboam, ces hommes de Dieu quittèrent le royaume d'Israël et abandonnèrent Jéroboam et allèrent s'installer en Juda, akaenda kuikala mu Juda avec Roboam, pamoja na Roboam à Jérusalem, mule mu Yerusalema, là où il y avait le temple de l'Éternel, mule mulikuwa ekalu ya wamilele. Le rejet de ces hommes de Dieu par Jéroboam, kukatala kwa batumishi ya Mungu kwa huyu Jéroboam, a profité à Roboam dans son royaume. Il faidia kwa Roboam mu mfalme yake. Et ces hommes de Dieu sont allés directement s'installer à Jérusalem, là où il y avait le temple de l'Éternel. Et Roboam les accepta avec beaucoup de joie. Et il les installa aussi à Jérusalem pour servir l'Éternel. C'est l'une des meilleures choses que Roboam a fait. En recevant ces hommes de Dieu qui avaient été chassés de l'autre côté, dans l'autre royaume, en les laissant servir l'Éternel à Jérusalem, selon la loi de l'Éternel, et c'était une très bonne chose, une chose que Dieu appréciait, une chose que tous les hommes doivent apprécier. Et dans le royaume d'Israël, comme il y a toujours des témoins, de véritables témoins dans chaque situation. Après que Jéroboam ait chassé l'Éternel et ses serviteurs, parmi Israël, parmi le royaume d'Israël, il y avait un peuple qui avait un cœur droit. Il y avait des hommes et des femmes, de véritables croyants, qui avaient des cœurs droits, qui aimaient la vérité, qui aimaient les hommes de Dieu, qui aimaient l'Éternel. En voyant que les véritables sacrificateurs et les lévites étaient empêchés de servir l'Éternel, ils suivirent les sacrificateurs et les lévites dans le royaume de Juda. Et c'est ainsi que le royaume de Juda fut affermi et fut fortifié davantage par les véritables serviteurs de Dieu et pas le véritable croyant adorateur de l'Éternel. Et c'est ainsi que Roboam s'affermir. Que le Seigneur vous bénisse. Vous voyez ici, il y a beaucoup de leçons que nous ne pouvons pas exploiter maintenant. Écoutez seulement ce que le Saint-Esprit veut vous dire maintenant. Les véritables serviteurs de Dieu, ainsi que le véritable croyant, sont ces gens qui affermissent l'œuvre de Dieu et l'Église du Seigneur. En d'autres termes, le royaume de Dieu ou l'Église du Seigneur est affermi par des véritables serviteurs de Dieu et des véritables chrétiens. L'Église est avec moi. Notre Église de Kambo sera fortifiée par la présence des véritables serviteurs de Dieu et des véritables croyants qui aiment l'Éternel. C'est vrai. Pourquoi? Les véritables hommes de Dieu parlent, enseignent la parole de Dieu. Ils enseignent la loi de Dieu. Vous voyez? Ils enseignent la vérité de Dieu. Et les hommes de Dieu, les véritables croyants, acceptent la vérité de Dieu, acceptent la parole de Dieu et se soumettent à la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est apportée et que le peuple est sincère dans son cœur, il accepte cette parole avec joie et il y obéit. Cette église sera certainement fortifiée. Pourquoi? Parce que c'est la vérité de Dieu qui chasse toute forme de péché en son sein. Et quand la vérité s'installe dans l'église, quand la vérité s'installe dans le cœur des croyants, car la vérité s'installe dans le cœur des gens, Dieu est obligé de venir habiter dans le cœur de ces gens. Dieu est obligé de venir demeurer parmi ce peuple. Dieu sera obligé de venir habiter dans cette église-là. Et Dieu y œuvrera. Il va y travailler pour fortifier cette église-là. Pour fortifier ces croyants-là. C'est vrai, frère. L'église ne peut jamais s'affermir avec les mensonges. L'église ne peut jamais s'affermir avec des faux prédicateurs qui enseignent des mensonges au peuple de Dieu. Non, bien-aimés frères. C'est pourquoi si vous avez suivi mon enseignement sur la sacrificature, j'avais beaucoup insisté sur cette pensée pendant une semaine. En disant que la véritable église du Seigneur, c'est là où on prêche la vérité, c'est là où on défend la vérité. Vous voyez, l'église du Seigneur est l'appui et la colonne de la vérité. On ne doit pas apporter dans l'église autre chose que la parole de Dieu. On ne doit pas apporter dans l'église autre chose que la vérité. Parce que la vérité affermit le peuple. La vérité délivre le peuple. La vérité sanctifie le peuple. La vérité sauve le peuple. Nous ne pouvons pas être sauvés par les mensonges. C'est pourquoi nous nous sommes engagés à défendre la vérité kupigania ukweli. Sous toutes ses formes. Kwa aina yayo yote. Surtout dans cet état de la Odyssée. Zaidi mwiki sasa la Odyssée. Où Satan a redoublé ses efforts. Mule Shetani anaongeza manguvu zake. Avec de fausses interprétations. Kama utafsiri ya bongo. Surtout dans cet état de la Odyssée. Zaidi mwiki sasa la Odyssée. Où les pasteurs. Mule wa pastori. Où les prédicateurs. Waubiri. Reçoivent une forte influence de la mondanité de Satan. C'est pendant cette période que nous devons maintenant prêcher toute la vérité telle que Dieu l'a révélée dans cet âge. Nous devons avoir sur nous et en nous l'esprit d'Élie, parce que l'esprit d'Élie ne défendra que la parole de Dieu. L'esprit d'Élie ne veut pas faire de compromis. L'esprit d'Élie ne fera ni de compromis avec le péché, avec la mondanité. Il ne fera ni de compromis avec des faux prédicateurs, des séducteurs. Il ne fera pas de compromis avec des fausses doctrines. C'est vrai, frère. Nous sommes engagés à défendre la vérité. Ne supportons pas dans cette église des fausses choses qui sont contraires à la Bible et au message du temps de la fin. Si nous supportons la vérité, si nous défendons la vérité, cette église sera fermée. Et vous verrez, toute forme de péché disparaîtra. C'est la vérité qui chasse Satan. Quand Satan est chassé, la vérité ramène Dieu au milieu de nous. La vérité elle-même, c'est Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vie. La vérité. Na ukweli. Ouais bien mes frères. Unaona ndugu mpendwa. Ouais bien mes sœurs. Unaona dada mpendwa. C'est pourquoi je vous ai toujours dit. Ndio kwa maana kila mara namiambiaka. En ce qui concerne la vérité. Wayenye kuelekea ukweli. Lorsqu'elle est apportée. Wakati bana yuri. Même si elle est contre vous. Hata kama inakufananisha. Elle est contre votre honneur. Hata kama inakufananisha heshima yako. Inavunja nia yako. Elle brise votre honneur. Inavunja heshima yako. Acceptez cette vérité. Chikiele. Vous serez guéri. Utatunzwa. Et Dieu aime les gens. Na Mungu anapenda watu. La vérité. Dieu aime les gens qui aiment la correction. Nous ne recevrons jamais la correction avec des mensonges. Non, bien mes frères. Non, bien mes soeurs. Nous sommes les enfants de la lumière. Si nous sommes enfants de la lumière, kama tuku watoto ya nuru, nous devons accepter la lumière et nous devons marcher dans la lumière. Na kutembea katika nuru. C'est ce qui fait la différence entre le vrai et le faux. Entre la vraie église et la fausse église. Entre un vrai serviteur et un faux serviteur. Ces choses sur lesquelles nous veillons beaucoup. C'est ce comportement que nous veillons beaucoup. Même dans l'église, Tu es un bon frère. Tu es une bonne sœur. Tu fais une faute. Mais on te redresse. Mais toi tu fais de l'orgueil. Nous te notons quelque part. Nous dirons que cette sœur ou ce frère a un faux esprit. Il faut veiller sur lui. Vous voyez bien mes frères. Et nous n'allons pas seulement veiller sur vous. Nous commencerons à observer et à veiller sur votre compagnie. Pas seulement veiller sur votre compagnie, nous allons commencer à veiller sur ce que vous dites à votre compagnie. Oui, bien mes frères. Parce qu'un homme droit aime ce qui est droit. Un homme juste aime ce qui est juste. Un homme véritable aime la vérité. Mais comment toi tu peux dire tu es une fille de Dieu? Tu es une fille de Dieu. On te présente la vérité, tu te mets en colère. On te présente la vérité, tu te fâches contre le serviteur de Dieu. Tu te fâches contre les frères ou les sœurs. Non, il y a quelque chose de faux. Voyez bien mes frères. Nous n'allons pas te chasser dans l'église. Mais nous allons te noter. Pour t'observer. Si vous changez, nous dirons non, non, c'est vrai, la sœur a changé, le frère a changé. Oui, oui, il y a des frères et des sœurs qui sont sous surveillance. C'est comme ça. Oui, oui, c'est comme ça. Il y a certaines personnes. Même s'il quitte l'église, ça ne fait pas dimanche. Qu'il est déjà tourné, pas tourné, puisqu'il a déjà accompli ce qu'on a déjà vu sur lui. Mais il y a des gens qui peuvent nous détourner. Quelqu'un qui semblait bien marcher. Quand il commence à emprunter une voie qui n'est pas juste. Mais cela nous rend malade. Il est fâché, tu n'as pas gonjoa. Voyez bien mes frères. Voyez bien mes sœurs. Et ils ont fait une très bonne chose. L'erreur de Jéroboam a profité à Roboam. Il faillit dire quoi Roboam. Oui, bien mes frères. On en a tout compris. Il y a même parmi nous. Quand un faux quitte l'église. Il laisse cette église à s'affermir dans la vérité. Si un calomniateur quitte l'église, mais l'église sera sanctifiée. Parce que celui qui l'a suivi n'est plus. Si un adultère quitte l'église, parce qu'il ne peut plus supporter la parole, mais cela est profitable à l'église. Parce qu'un prostitué ou une prostituée ne nous suivra plus. Et même les serviteurs seront en paix. Ils ont moins de travail. Voyez bien mes frères et sœurs. C'est pourquoi nous devons tirer très attention. L'église est avec moi. Est-ce que l'église est avec moi? Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous comprenez? Ces croyants véritables ils connaissent leur Dieu. Ils connaissent ses serviteurs. Et ils connaissent la parole. Un véritable chrétien né de nouveau, il connaît son père. Il connaît les serviteurs de son père. Il connaît la parole de son père. Est-ce qu'il me fait comprendre? Je le reprends. Un véritable chrétien, c'est celui-là que nous appelons un véritable enfant de Dieu. Il connaît bien son Dieu, qui est son Père. Et il connaît mieux les serviteurs de son Dieu. Vous voyez? Et ils connaissent mieux la voix de son Dieu. C'est ainsi que Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix, ils la reconnaissent. Ils ne peuvent jamais suivre un étranger. C'est ainsi que ces hommes de Dieu, ces croyants qui étaient dans le royaume d'Israël, quand ils ont vu le véritable serviteur, le véritable sacrificateur et lévite de la tribu de Lévi, de la famille de Lévi, abandonné Jéroboam et abandonné le royaume d'Israël pour venir à Jérusalem en Juda à côté de Roboam, ils ont compris que Dieu, bien qu'il avait donné la royauté et la domination des 10 tribus à Jéroboam, Dieu l'a quitté, Dieu a quitté ces 10 tribus et Dieu est retourné chez Roboam. Un chrétien véritable, il sait discerner et voir le mouvement du Saint-Esprit. C'est souvent ce que Frère Branham me dit, que le véritable croyant, il suit le mouvement de la colonne de feu. Quand la colonne de feu s'arrête, et aussi s'arrête. Quand la colonne de feu s'élève pour marcher, et aussi il s'élève et il marche. C'est comme ça que croyant marche avec Dieu. Vous voyez bien mes frères. Vous voyez bien mes soeurs. Même l'amitié. Même l'amitié. Marcher avec un frère. Marcher avec une soeur. Aussi longtemps que ce dernier respecte la parole. Il marche avec la parole. Quand il abandonne la parole, vous aussi vous l'abandonnez. Parce que les dieux qui marchaient avec lui l'a déjà abandonné. Oui, bien mes frères. Un homme qui abandonne Dieu n'est pas le bienvenu même chez moi. Il n'est pas le bienvenu chez moi. Quand même si quelqu'un a abandonné la parole de Dieu, le recevoir chez moi, il viendra m'essuyer. Est-ce que vous êtes avec moi? Kama muntu anaisha kuacha mambo ya Mungu. Si quelqu'un a abandonné la parole. Ata anakuwa kunitembelea kwangu. Si venez me visiter chez moi. Mpokelea sa Mkristo. Memu roya kumiko baridi asonega. Kama onkel je asinipondoshe. Pour qu'il ne puisse pas me séduire. Asiniangushe muimani. Ne puisse pas me faire tomber dans la foi. Quoi bien mes frères. Non nando kumpendwa. J'aurais de la peine aussi de visiter quelqu'un ou de visiter un foyer qui a déjà abandonné Dieu. J'allais dans cette famille, j'allais dans cette maison parce que j'y voyais la parole, j'y voyais Dieu. Mais le Dieu que je voyais dans cette famille-là n'est plus. Moi, je suis un fils de Dieu. Je vais y aller comment? Pour y faire quoi? Ce sont les gens qui n'ont pas de discernement, qui n'ont pas l'air spirituel. Quelqu'un abandonne la parole, mais vous voyez quelqu'un, il est toujours attaché à celui-là. Et deux jours après, lui-même tombe. Tu vois, cela est faux. Vous voyez bien mes frères. Nous sommes avec les pasteurs, mais aussi longtemps qu'ils prêchent la parole. Si les pasteurs abandonnent la parole, nous n'avons pas de réflexion à faire. Nous devons l'abandonner. Nous étions avec lui parce qu'il était avec Dieu. Ce n'est pas lui qu'on suivait. C'était le Dieu avec qui il était. Qu'on suivait. Non, on ne marche pas aveuglément. Un chrétien ne marche pas aveuglément. Et ce soir, je vous dis, vous aussi d'une manière particulière, ne marchez pas aveuglément dans la foi. Non, bien-aimés frères, non, bien-aimés sœurs, ayez un discernement en toutes choses et observez ce que Dieu fait avec tout homme. Oui, bien mes frères, si quelqu'un n'a plus Dieu, il a abandonné Dieu, abandonnez-le, c'est tout. Vous voyez bien mes frères, c'est pourquoi ces hommes ont abandonné. Lisons un peu cela dans deuxième chronique. Regardez dans son verset 5, chapitre 11, deuxième chronique chapitre 11, Mambo ya siku ya pili, sura 11. Dans son verset 11, dans son verset 5 s'il vous plaît. Mustari atano. Roboam demeura à Jérusalem. Roboam akaka kule ku Jérusalem. Et il bâtit des villes fortes en Juda. Nakajenga mamiji ya nguvu mule mu Yuda. Dans le verset 11, il les fortifia. Mstari wa 11 akaitia nguvu. Et il établit des commandants. Akaweka mwa jemadari. Et des magasins de vivres. Na maduga ya chakula. D'huile et de vin. Ya mafuta na mvinyo. Il mit dans chacune de ces villes. Akatia mukila mji. Des boucliers et des lances. Il est mangabo na mamshale. Et il les rendit très forts. Akaifanya ile miji kwa yangufu. Judas et Benjamin étaient avec lui. Juda pamoja na Benjamin ilikuwa yake. Vous voyez? Unaona? Maintenant le verset 13. 13. Les sacrificateurs. Bakwani. Et les lévites. Na Malawi. Qui s'est trouvé dans tout Israël, quittèrent leur demeure pour se rendre auprès de lui. Bakwani alors kwa Muyuda bakamwacha jua kwenda. Les sacrificateurs et les lévites. Bakwani na Balawi qui se trouvaient dans tout Israël. Alors bakwana patikana mu Israël mzima. Quittèrent leur demeure. Bakacha makao yabo. Pour se rendre auprès de Roboam. Jua kwenda kwa Roboam. Car les Lévites abandonnèrent leur banlieue et leur propriété et vinrent en Juda à Jérusalem. Pourquoi? Parce que Jéroboam et ses fils les empêchaient de remplir leurs fonctions comme sacrificateur de l'Éternel. Vous voyez comment ils ont agi. Vous voyez. Ils ne pouvaient pas supporter de fausses choses. C'est la pensée que nous avons exploitée dimanche. C'est la pensée que nous avons exploitée. Un véritable serviteur ne peut jamais appuyer une fausse pensée, une fausse inspiration, une fausse conduite, une fausse doctrine. Un véritable chrétien et un véritable serviteur ne peut pas le faire. Ces véritables serviteurs de l'Éternel, quand ils ont vu le comportement de Jéroboam, ils l'ont quitté. Vous voyez bien mes frères. Jéroboam établit des sacrificateurs sur les hauts lieux pour les boucs et pour les veaux qu'il avait faits. Jéroboam a kaweka bakwani pale pa fazi ya juu. Ces sacrificateurs sont les sacrificateurs qui ne sont pas de la tribu de Lévi. Comme nous l'avons déjà signalé dans les jours passés. Il chasse les vrais. Il établit les faux. C'est une fausse adoration. C'est ainsi, frère. Dans chaque fausse adoration, il y a toujours des faux prédicateurs. Vous voyez. Et les faux prédicateurs apportent de fausses doctrines. Les fausses doctrines viennent des faux prédicateurs. Et là où il y a déjà une fausse doctrine, les faux prédicateurs, ils vont pour appuyer cette fausse doctrine. Maintenant, pour ceux qui sont des dieux, ceux qui sont des dieux ne peuvent jamais appuyer les faux. Ils quittent les faux pour appuyer ce qui est vrai. Il quitte le culte de Satan pour appuyer le culte de Dieu. Là où il y a la vérité, c'est là où tu trouveras un véritable serviteur de Dieu. Et le véritable serviteur de Dieu prêche la parole de Dieu. Prêche la vérité de Dieu. Parce que celui qui est envoyé de Dieu dit les paroles de Dieu. Vous voyez. Et quand le véritable serviteur prêche la vérité, ils affermissent les peuples. Ils affermissent les peuples dans la vérité de Dieu. Ils affermissent les peuples en Dieu. quand le peuple de Dieu est affermi dans la parole, est affermi en Dieu, l'église ou le royaume de Christ sera aussi affermi. Vous voyez, et vous remarquez que ce qui est arrivé ici, c'est le type de ce que nous vivons tous les jours ici. Vous ceux de toutes les tribus d'Israël, écoutez dans le verset 16, nous sommes au verset 16, ceux de toutes les tribus d'Israël, de ces 10 tribus, qui avaient à cœur de chercher l'Éternel, le Dieu d'Israël, ils avaient faim et soif d'avoir Dieu dans leur vie, de recevoir la bénédiction de l'Éternel. Oui, bien aimé frère, si tu as faim et soif de la justice, vous serez rassasiés. Vous voyez ces choses que la Bible dit. Ce sont des grands enseignements. Ceux de toutes les tribus d'Israël qui avaient à cœur de rechercher l'Éternel, le Dieu d'Israël, suivirent les Lévites à Jérusalem pour sacrifier à l'Éternel, le Dieu de leur père. Vous voyez bien mes frères, vous voyez bien mes soeurs, quand un homme est faux, il accepte facilement ce qui est faux et il apprécie ce qui est faux. Vous voyez? Mais quand quelqu'un est pur dans son cœur, il est un homme intègre, il est un homme droit, il est un homme juste, lui aussi, il a la soif et la faim des choses justes, des choses vraies. Et il appuiera les choses justes et vraies. Frère, un véritable chrétien ne peut même pas supporter avec son argent des fausses choses, des faux cultes, des faux prédicateurs. Non, frère. Moi, je ne peux pas sortir mon argent pour donner à un tonneriste pour qu'il aille prêcher les fausses doctrines pour tuer les âmes. Non. Même un prêtre, moi, je ne peux pas lui donner mon argent. Donner l'argent à un faux prédicateur, c'est-à-dire c'est le soutenir, l'encourager et soutenir ce qu'il prêche. Et vous êtes complice. Quelqu'un qui prêche que Branham est Dieu, moi sortir mon argent pour lui payer la route, non, je ne peux pas le faire. Je ne le ferai jamais. Un prédicateur, Branham Dieu, il vient à Kambov, il dit non, parce que j'ai une œuvre à faire là, un travail à faire là-bas, mais je vais d'abord loger chez toi. Je ne peux pas lui donner une place où reposer sa tête pour qu'il ait le temps d'aller installer ses fausses doctrines pour tuer les gens. Tu diras, ce n'est pas l'amour, c'est ça l'amour. Nous avons l'amour, c'est envers la vérité, pas envers les mensonges. Est-ce que quelqu'un qui est ton père ou ton frère ou ta mère, il vient avec du poison, il te dit, en attendant que je trouve un moyen pour tuer ton père, garde-moi d'abord ce poison. Lorsque le temps favorable sera là, vous me remettrez ce poison, je vais tuer ton père. Et toi, tu sais ce plan. Et tu sais ce qu'il a entre ses mains, et vous les logez et son poison dans la maison. Mais lorsqu'il mettra du poison, il empoisonnera ton père, ta mère ou ton frère. Quand ton père, ta mère et ton frère mourront, tu seras aussi complice. Tu as commis le péché de la participation. Tu as tué avec lui ton père. Comment moi je sais que ce dernier prêche les mensonges? Il tue les âmes. Et moi je vais les loger. Et moi je vais les supporter. Non. Comme Fauvana me le dit. Et comme la Bible le dit. Nous appuyons les choses vraies. Je paye ma dîme, je paye mon offrande, je donne mes dons, c'est pour que l'évangile de Christ prospère, afin que les âmes soient sauvées et ceux qui étaient retenus dans la servitude soient délivrés. Je supporterai la vérité pour que Jésus-Christ ait beaucoup de filles dans son royaume. Vous voyez bien mes frères, ce n'est pas de la démagogie. Non frère, on ne fait pas de compromis avec les fausses choses. Vous voyez ces croyants véritables. Ils avaient les soucis permanents de chercher la vérité, de chercher l'éternel. Un véritable chrétien, un véritable élu, même s'il n'est pas encore né de nouveau ou sauvé, mais il a la représentation de la vérité et du véritable Dieu en lui. Il a un souci permanent de chercher et de rechercher Dieu dans sa vie. Il sera là. Il va rester là où on va l'aider à retrouver l'éternel. Il sera là, il va rester là où on va l'aider à être sauvé ou à recevoir le Saint-Esprit. Vous voyez mes frères, il ira là où on va l'aider à recevoir le Saint-Esprit. C'est ce que nous voyons ici. Ils avaient à cœur de chercher l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils suivirent les Lévites à Jérusalem pour sacrifier à l'Éternel, le Dieu de leur père. Ils donnèrent ainsi de la force au royaume de Juda et ils affermirent Roboam, fils de Salomon, pendant 3 ans, car ils marchèrent pendant 3 ans dans la voie de David et de Salomon. Roboam pendant 3 ans. Ce n'est pas pour rien que Dieu précise là. Pendant 3 ans, lui aussi Roboam est resté dans la parole. Il suivait les traces de David et de Salomon son père. Car Salomon marchait dans la vérité. Et cela avait beaucoup réjoui le cœur de Dieu. Oui, bien aimés frères et sœurs. C'est ainsi que ce royaume fut affermi. Maintenant, pour terminer, frère, nous allons continuer demain parce que nous respectons le temps. Frère, aujourd'hui, vous devez comprendre que sans les véritables serviteurs de Dieu, l'œuvre de Dieu véritable ne peut pas se former ni en vous ni dans l'église. C'est pourquoi Dieu a donné 5 cinq ministères pour l'édification du corps. Là où les cinq ministères ne travaillent pas, il n'y a pas d'édification de corps. Le corps de Jésus-Christ est édifié par les véritables serviteurs de Dieu. L'église de Kambove est avec moi. Le corps de Christ, pour terminer, est fortifié, est édifié, rien que par les véritables serviteurs de Dieu. Et on ne peut pas être véritable serviteur de Dieu si on n'a pas été mandaté par Dieu pour faire ce travail-là. Et quand Dieu mandate quelqu'un pour faire son travail, Dieu lui-même l'accompagne. C'est-à-dire, il prend une portion de lui-même, il le met dans son serviteur. De telle manière, quand cet homme parle, il ne parle pas de lui-même. Il parle de celui qui l'a envoyé. Il n'attire pas les gens vers lui. Il n'attire pas les gens vers lui. Il attire les gens vers celui qui l'a envoyé. Vous voyez? Et l'église aussi ne peut pas s'affermir sans qu'il n'y ait de véritables chrétiens nés de nouveau et baptisés du Saint-Esprit. Pour que l'église s'affermisse, il faut qu'il y ait de véritables cœurs qui reçoivent la parole de Dieu et qui obéissent à la parole de Dieu, qui vivent la parole de Dieu, qui produisent la parole de Dieu. C'est avec ces deux groupes que l'Église, le royaume de Christ, peut être dans sa famille. L'Église du Seigneur, l'Église ne peut jamais s'affermir par les mensonges. Non. C'est vrai. Et un véritable serviteur, et un véritable croyant, sera toujours là où on apporte la vérité. Il supportera toujours la vérité. Pourquoi? Parce qu'il veut voir la vérité de Dieu se réaliser en lui. Oui, bien-aimé frère. Oui, bien-aimé soeur. Et un véritable chrétien, un véritable croyant abandonnera toujours les fausses doctrines. Il abandonnera toujours des faux prédicateurs, des séducteurs. C'est vrai. Si vous supportez des choses fausses, vous êtes faux. Oui, bien, mes frères. Un faux prédicateur refroidit l'église, refroidit le cœur et tue les âmes. C'est pourquoi Jésus a dit, là où il y a le corps, c'est là où s'assemblera les aigles. Vous voyez, un aigle ne peut pas, un aigle en taille ne peut pas aller là où il y a de la pourriture. Non. Que le Seigneur vous bénisse. Qui ont compris? Ces choses ont été enseignées, c'est pour nous servir d'exemple. Lève-nous pour la prière, nous allons continuer demain. Asante Bwana. Amen. Asante Bwana. Amen. Asante Bwana. Bwana. Amen. Oh amen. Prions-nous tous ensemble.